embrasse-moi et quitte-moi. L'amour, ça rend malheureux. Ça ne passe pas les saisons, et c'est plus fort que la raison. Ça rit en été, ça pleure à l'automne, ça meurt en hiver, et ça chante au printemps. Autant que tu as et que tu auras d'homme, qu'il ne soit toujours que de simples amants. Embrasse-moi et quitte-moi. L'amour, ça rend malheureux, et ça, je te l'avais dit. Souviens-toi, un soir de pluie, ça fait pleurer les êtres, ça fait du chagrin. Ferme la fenêtre, c'est bientôt demain, et j'ai peur de embrasse-moi et quitte-moi.